Livre deuxième, L'intestin de Léviathan. Chapitre 4. Détails ignorés. Des Misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La visite eut lieu. Ce fut une campagne redoutable, une bataille nocturne contre la peste et l'asphyxie. Ce fut en même temps un voyage de découverte. Un des survivants de cette exploration, ouvrier intelligent, très jeune alors, en raconta encore il y a quelques années les curieux détails que Bruneseau crut devoir remettre dans son rapport au préfet de police, comme indigne du style administratif. Les procédés désinfectants étaient à cette époque très rudimentaires. À peine Bruneseau eut-il franchi les premières articulations du réseau souterrain que 8 des travailleurs sur 20 refusèrent d'aller plus loin. L'opération était compliquée. La visite entraînait le curage. Il fallait donc curer et en même temps arpenter. Noter les entrées d'eau, compter les grilles et les bouches, détailler les branchements, indiquer les courants à point de partage, reconnaître les circonscriptions respectives des divers bassins, sonder les petits égouts greffés sur l'égout principal, mesurer la hauteur sous clé de chaque couloir et la largeur, tant à la naissance des voûtes qu'à fleur du radier, enfin déterminer les ordonnées du nivellement au droit de chaque entrée d'eau, soit du radier de l'égout, soit du sol de la rue. On avançait péniblement. Il n'était pas rare que les échelles de descente plongeassent dans 3 pieds de vase. Les lanternes agonisaient dans les miasmes. De temps en temps, on emportait un égoutier évanoui. À de certains endroits, précipice. Le sol s'était effondré, le dallage avait croulé, l'égout s'était changé en puits perdu. On ne trouvait plus le solide. Un homme disparut brusquement. On eut grand-peine à le retirer. Par le conseil de Fourcroix, on allumait de distance en distance, dans les endroits suffisamment assainis, de grandes cages pleines d'étoupes imbibées de résine. La muraille, par places, était couverte de fungus difformes, et l'on eût dit des tumeurs. La pierre elle-même semblait malade dans ce milieu irrespirable. Bruneseau, dans son exploration, procéda d'amont en aval. Au point de partage des 2 conduites d'eau du grand hurleur, il déchiffra sur une pierre en saillie la date 1550. Cette pierre indiquait la limite où s'était arrêté Philibert Delorme, chargé par Henri II de visiter la voirie souterraine de Paris. Cette pierre était la marque du 16e siècle à l'égout. Bruneseau retrouva la main-d'œuvre du 17e dans le conduit du Ponceau et dans le conduit de la rue Vieille du Temple, voûté entre 1600 et 1650, et la main-d'œuvre du 18e dans la section ouest du canal collecteur, encaissé et voûté en 1740. Ces 2 voûtes, surtout la moins ancienne, celle de 1740, était plus lézardée et plus décrépite que la maçonnerie de l'égout de ceinture, laquelle datait de 1412, époque où le ruisseau d'eau vive de Ménilmontant fut élevé à la dignité du grand égout de Paris, avancement analogue à celui d'un paysan qui deviendrait premier valet de chambre du roi, quelque chose comme Gros-Jean transformé en Lebel. On crut reconnaître ça et là, notamment sous le palais de justice, des alvéoles d'anciens cachots pratiqués dans l'égout même. In pace, hideux. Un carcan de fer pendait dans l'une de ces cellules. On les mura toutes. Quelques trouvailles furent bizarres, entre autres le squelette d'un orang-outang disparu du Jardin des Plantes en 1800. Disparition probablement connexe à la fameuse et incontestable apparition du diable rue des Bernardins dans la dernière année du 18e siècle. Le pauvre diable avait fini par se noyer dans l'égout. Sous le long couloir cintré qui aboutit à l'arche Marion, une hotte de chiffonnier parfaitement conservée fit l'admiration des connaisseurs. Partout, la vase que les égoutiers en étaient venus à manier intrépidement abondait en objets précieux, bijoux d'or et d'argent, pierreries, monnaie. Un géant qui eût filtré ce cloaque eût eu dans son tamis la richesse des siècles. Au point de partage des 2 branchements de la rue du Temple et de la rue Sainte-Avoye, on ramassa une singulière médaille huguenote en cuivre, portant d'un côté un porc coiffé d'un chapeau de cardinal et de l'autre un loup la tiare en tête. La rencontre la plus surprenante fut à l'entrée du grand égout. Cette entrée avait été autrefois fermée par une grille dont il ne restait plus que les gonds. À l'un de ces gonds pendait une sorte de loque informe et souillée qui, sans doute arrêtée là au passage, y flottait dans l'ombre et achevait de s'y déchiqueter. Brunseau approcha sa lanterne et examina ce lambeau. C'était de la batiste très fine, et l'on distinguait à l'un des coins moins rongés que le reste une couronne héraldique brodée au-dessus de ces sept lettres LAVBESP. La couronne était une couronne de marquis et les sept lettres signifiaient l'Aubespine. On reconnut que ce qu'on avait sous les yeux était un morceau du linceul de Marat. Marat, dans sa jeunesse, avait eu des amours. C'était quand il faisait partie de la maison du comte d'Artois, en qualité du médecin des écuries. De ses amours, historiquement constatés, avec une grande dame, il lui était resté ce drap de lit, épave ou souvenir. À sa mort, comme c'était le seul linge un peu fin qu'il eût chez lui, on l'y avait enseveli. De vieilles femmes avaient emmailloté pour la tombe, dans ce linge où il y avait eu de la volupté, le tragique ami du peuple. Brunseau passa outre. On laissa cette guenille où elle était. On ne l'acheva pas. Fût-ce mépris ou respect? Marat méritait les deux. Et puis, la destinée y était assez empreinte pour qu'on hésitât à y toucher. D'ailleurs, il faut laisser aux choses du sépulcre la place qu'elles choisissent. En somme, la relique était étrange. Une marquise y avait dormi, Marat y avait pourri. Elle avait traversé le Panthéon pour aboutir au ras d'égout. Ce chiffon d'alcôve, dont Watteau eut jadis joyeusement dessiné tous les plis, avait fini par être digne du regard fixe de Dante. La visite totale de la voirie immondicielle souterraine de Paris dura 7 ans, de 1805 à 1812. Tout en cheminant, Brunseau désignait, dirigeait et mettait à fin des travaux considérables. En 1808, il abaissait le radier du ponceau et, créant partout des lignes nouvelles, il poussait l'égout en 1809 sous la rue Saint-Denis jusqu'à la fontaine des Innocents. En 1810, sous la rue Froidmanteau et sous la Salpêtrière. En 1811, sous la rue Neuve des Petits-Pères, sous la rue du Mail, sous la rue de l'Écharpe, sous la place Royale. En 1812, sous la rue de la Paix et sous la chaussée d'Antin. En même temps, il faisait désinfecter et assainir tout le réseau. Dès la deuxième année, Brunseau s'était adjoint son gendre, Nargaud. C'est ainsi qu'au commencement de ce siècle, la vieille société cura son double fond et fit la toilette de son égout. Ce fut toujours cela de nettoyer. Tortueux, crevassé, dépavé, craquelé, coupé de fondrières, cahoté par des coudes bizarres, montant et descendant sans logique, fétide, sauvage, farouche, submergé d'obscurité, avec des cicatrices sur ses dalles et des balafres sur ses murs, épouvantable, tel était, vu rétrospectivement, l'antique égout de Paris. Ramifications en tous sens, croisements de tranchées, branchements, pattes d'oie, étoiles comme dans les sapes, quecum, cul-de-sac, voûtes salpêtrées, puisards infects, suintements dartreux sur les parois, gouttes tombant des plafonds, ténèbres. Rien n'égalait l'horreur de cette vieille crypte exutoire, appareil digestif de Babylone, antre, fosse, gouffre percé de rues, taupinière titanique où l'esprit croit voir rôder à travers l'ombre dans de l'ordure qui a été de la splendeur, cette énorme taupe aveugle, le passé. Ceci, nous le répétons, c'était l'égout d'autrefois. Fin du chapitre 4 du livre deuxième.